contre la grosse patate. Ça y est. À longueur d'elle. J'ai foutu, quoi. Ah oui. C'est ça aussi, Gordon. Vous ne l'avez encore jamais entendu. Salut JC, c'est la grosse patate. Voilà, de retour le duo de choc pour après une longue pause. On doit bien l'avouer, on vous a laissé tomber quelques temps, mais on vient en France. On est de retour. Ouais. Ok, donc c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a écouté un morceau assez particulier que tu nous as dégoté avec un groupe que je connaissais pas. Et voilà, c'est... Michael Jackson, un peu l'homme de l'année, hein, donc rien de tel que pour lui rendre hommage, une version de Billie par Senior Coconut et son orchestre. Sur son album Fiesta Songs, qui est quand même sorti chez Naïve en 2003. On vous le recommande pour les fêtes de fin d'année. Là, ça... voilà, c'était l'hommage de la grosse patate pour Michael Jackson. Et c'est un peu l'année aussi d'un mec qui nous a fait pire rire, surtout sur ses films avec Y a-t-il un flic et tout le tralala. Pour sauver la reine, le Hollywood, l'univers. L'univers entier, quoi. Ok, Leslie Nielsen. C'est ça, Leslie Nielsen. Franck, je savais que je te trouverais ici. Ouais, assieds-toi, on va remâcher nos souvenirs. Je voulais te parler, mais tu avais déjà filé. Ed, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est tout l'univers qui est fou? Non, la folie ne touche qu'un petit pourcentage de la population, tu sais. Ah, j'espère que c'est vrai. J'en sais rien. Mais je me demande si j'ai encore ma place dans ce monde. Tu penses toujours à Jeanne, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'oublier. Elle vit en moi. Et je ne pense qu'à elle nuit et jour. Mais c'est trop tard. Dès l'instant où elle a dit « barre-toi », j'ai deviné que c'était cuit. Ah, je pense souvent à toi, Edna, et comme je t'envie, tu sais, parce que tu n'es pas seule. Tu vis avec la même personne jour et nuit depuis 30 ans. Tu te réveilles avec elle, tu manges avec elle, tu dors avec elle. La femme que tu sautes est toujours la même. Quelle sécurité! Vous passez chaque heure de votre vie ensemble. Pendant que je suis condamné à élever des minettes de 20 ans qui ne songent qu'à faire la fête et à baiser, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des sauteuses insatiables qui réclament de l'amour et rien d'autre, qui te changent en bête de sexe. Avec Rachida, on pourrait parler de la pochette qui est pas très belle. C'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est un petit peu un montage comme un enfant qui aurait fait un truc un peu raté quoi. Voilà, un espèce de château fort sur un drapeau français. Et donc un album sorti en 2009 chez Scandal Records, hein, qui n'est ni plus ni moins qu'une subdivision de Blim Records. Rien que ça. Voilà, donc c'était Rachida, notre ancienne ministre. C'est ça, qui a quitté le gouvernement. Et donc c'est un événement qui a tenu en haleine toute la France pendant cette année 2010. Et on va toujours rester dans des bacs de vinyle. J'ai un petit accent sympathique, puisqu'on va écouter un autre morceau de Bande Ruffian. Bande Ruffian qui reviennent avec un second album qui est sorti cet été. L'album s'appelle C'est Hit. On va s'écouter le titre What to Say. Donc un album qui est encore sorti chez Warp, comme le premier. When I wake up, I'm speaking slow. When I get drunk, I'm speaking more. Get too drunk and I don't speak at all. Get too close to you and I don't know what to say. Is when I'm talking in my sleep, but there's nobody around to write it down, so it gets lost on my books and pillows. The only time you made sense was when I was talking to, but we had to take turns one at a time, and when it comes to my, I have no hide. Dans la grosse patate, et on va pas perdre nos mauvaises habitudes puisqu'on va retrouver la rubrique qui est chère à Rémi, et donc c'est la rubrique Les copains d'abord. Les copains d'abord. Donc c'est Rémi en direct de la péniche et la lamine pour la grosse patate. La rubrique Les copains d'abord. Alors on va faire une spéciale sur Alexis Campet qui a produit plein de choses ces derniers temps. Le dernier album des Petites Borettes, Je vous déteste, il l'a pas produit mais il l'a mixé en tout cas. Il est en cours de... Enfin il travaille en ce moment sur l'album de Miva Boyka. Alors on est avec Yohan, membre des Petites Borettes et pas le moindre. Wesh, c'était vraiment le feu ce soir à la péniche au concert des petites bourrettes. Wesh. Et donc, dans les petites bourrettes, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Quoi? C'est quoi ton rôle? Moi, je suis le chanteur des petites bourrettes. Et pour la grosse patate et pour le gros JC, pas spécial dédicace, un titre en exclusivité. Ouais, alors on a choisi Chico Payave. Alors sur ce morceau, tu nous joues d'un instrument particulier? Ouais, ça faisait longtemps que je rêvais de jouer de la guimbarde, et sur ce morceau, écoutez bien la guimbarde, ça le fait bien. Et j'ai décidé d'en mettre parce qu'il y a de la guimbarde sur Give It Away des Red Hot Chili Peppers. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Tout de suite, Chico Payave. Elle avait les chicots pas gaffe, sa gueule on aurait dit Bagdad. Je l'ai embrassé un samedi soir, j'étais bourré, il faisait noir. On a parlé de tout de rien, d'écologie, de la planète, de régler le problème ivoirien, j'ai disons qu'à porter des lunettes. Elle me dit t'as un humour bancal qui fait rire que les imbéciles. Viens là que je te lèche les amygdales, ce soir je suis une fille facile. Elle me dit que c'est une histoire d'amour qui commence et même je parie qu'en échange de quelques mamours, tu voudras bien que je te marie. Elle avait les chicots pas gaffe, sa gueule on aurait dit Bagdad. Je l'ai embrassé un samedi soir, j'étais bourré, il faisait noir. Le blême c'est que moi je suis très beau par rapport à toi qui est pas très belle. Il paraît que je ressemble à Elno, tandis toi que tu ressembles à une poubelle. On sont pas d'accord pour que je marie une pécore. J'ai un standing à respecter, je me marie pas avec les traînées. Elle me dit mon gars, comment tu me causes? T'as vu ta gueule, t'es qu'un cloporte. Et crois-moi, ça sent pas la rose. Quand tu parles, ça sent la viande morte. Elle avait les chicots pas gaffe, sa gueule, on aurait dit Bagdad. Je l'ai embrassé un samedi soir, j'étais bourré, il faisait noir. Oh merde non, tu vas pas pleurer, tu sais bien que je peux pas résister. Je te trouve très belle, tu sais très bien, je disais ça rien que pour rigoler. Oh merde non, tu vas pas pleurer, viens plutôt dans mes bras poupées. Moi je te marie, c'est quand tu veux, c'est vrai que t'as les jolis yeux. Enfin si je dois moraliser, ma chanson c'est que j'ai réalisé qu'il faut se méfier quand tu galoches. Une fille qui est vraiment très très moche. Si tu as le cœur qui est trop tendre, tu vas te retrouver sans attendre avec des gosses pas très très beaux, qui ont pas des dents mais des chicots. Elle avait les chicots pas gaffe, sa gueule on aurait dit Bagdad. Je l'ai embrassé un samedi soir, j'étais bourré, il faisait noir. Elle avait les chicots pas gaffe, sa gueule on aurait dit Bagdad. Je l'ai embrassé un samedi soir, j'étais bourré, il faisait noir. Ok, donc c'était Chico Payave, une exclusivité inédite du prochain album des Petites Bourrettes qui sort bientôt. Alors là, je suis avec Al. Al, je fais partie des Petites Bourrettes. Il paraît. Ouais. Alors sur ce morceau, qu'est-ce que tu fais un peu plein d'instruments différents? Sur Chico Payave? Ouais. Alors je fais du banjo. C'est le retour du banjo alors dans les Petites Bourrettes. Exactement, parce qu'on m'a obligé. Mais en même temps, maintenant, je suis content de faire du banjo. Tout le monde est content. Hein. Voilà. Et aussi, c'est moi qui ai écrit ce morceau. Félicitations. Il est bien. Hein. Alors quand est-ce que ça sera disponible pour nos auditeurs? Ah je sais pas. Mais c'est en février mars. Février mars, écoute, bah, merci beaucoup. Alors j'avais autre chose à te dire. On a découvert un clip du Dr El Ritmo récemment sur internet. C'est moi qui l'ai écrit. Également, t'as écrit tout, toi, t'es l'homme du moment. Et donc on t'y voit dans ce clip. Exactement. T'as un personnage qui s'appelle le Marquis. Exactement. Qui joue de la guitare hyper bien. Et voilà, t'as un pur style. Et qui danse et qui joue du basket et la musique est super bien. On va l'écouter? On va l'écouter tout de suite. Et je peux faire le lancement? Vas-y. Alors je sais pas comment il s'appelle exactement. Ce n'est pas la peine de se faire de la peine. Alors, et maintenant vous allez écouter de Dr El Ritmo avec un spécial featuring le Marquis. Ce n'est pas la peine de se faire de la peine. Merci Al. Ah ben, ça fait plaisir. Ce n'est plus la peine de se faire la peine. Chacun prend sa route, prends la tienne, prends la mienne. toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine, bébé. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine. Chacun prend sa route, toi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine, bébé. C'est plus toi et moi, baby, c'était mal parti. Une critique, un reproche par là, une pique, une insulte par ci. T'as pas changé les draps, oh là là, t'as pas fait le lit. Les courses, le ménage, la vaisselle, c'est pour Bibi. Et la meuf qui t'appelle, c'est qui celle-là, je la connais pas. Et dans ton répertoire, y'a quelques noms qui me reviennent pas. Le tout passe entre tu n'en foutais jamais là, t'es pas ici. Et t'as même pas remarqué mes nouveaux habits. Bébé, ce n'est plus la peine de se faire la peine. Chacun prend sa route, moi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine, bébé. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine. Chacun prend sa route, toi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine, bébé. Et puis t'es devenu folle, rongée par la jalousie. À avoir peur de tout ou de les filles, sont devenus tes ennemis. Même dans la rue, je l'ai bien vu, tu m'as suivi. J'ai appris que t'as espionné mes amis. Même la télé, impossible de regarder. Jalouse de la fille, de la pub, du courrier. Moi au fur et à mesure, j'ai perdu toute liberté. Très vite, j'étais plus supporté, bébé. Bébé, ce n'est plus la peine de se faire de la peine. Chacun prend sa route, moi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire la peine, bébé. Ce n'est plus la peine de se faire la peine. Chacun prend sa route, toi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire la peine, bébé. Tout simplement j'aspire à une vie normale. Pas de prise de tête, un truc qui fait du bien, pas qui fait du mal. J'ai envie de m'échapper, de retrouver ma liberté. Pas me faire traiter de pervers si je mate une fille déambulée. Toi ce qu'il fallait c'était un petit garçon bien payé et tout sage. Mais pas à hurler un petit chat dans une petite. Toi et moi de toute façon ça pouvait pas coller. J'ai trop besoin de liberté, bébé. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine. Bébé, toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Toi et moi ce n'est plus la peine de se faire de la peine. Ce n'est plus la peine de se faire de la peine, bébé. Bébé, ce n'est plus la peine de se faire la peine. Chacun prend sa route, moi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire la peine. Bébé, ce n'est plus la peine de se faire la peine. Chacun prend sa route, moi la tienne, moi la mienne. Toi et moi c'est fini, adieu les problèmes. Ce n'est plus la peine de se faire la peine, bébé. Alors c'est toujours la grosse patate en direct de la péniche et la Lamine. On vient de donc s'écouter Docteur El Ritmo, c'est un petit peu du reggaeton, le nouveau son du ghetto parisien j'ai envie de dire. C'est pas exactement le nouveau son du ghetto. Salut, c'est Olivier, commandant Love de l'armée du Love. Voilà. Je me permets de m'introduire parce que effectivement, comme Alexandre qui vous en a parlé avant, moi aussi je suis dans le clip de Docteur El Ritmo, mais moi je suis le beau gosse, je suis le grand. La belle chorégraphie. C'est moi qui l'ai écrite. Voilà. D'accord. Donc qu'est-ce que tu voulais me demander? Tu voulais me demander qui je suis? Mais je suis tout simplement le commandant suprême de l'armée du Love. Voilà. Tu me laisses parler s'il te plaît? Parce que là il y a des keufs et tout qui traînent, donc je peux pas trop, j'ai pas trop de temps à te. Voilà, bon déjà, première chose, t'arrêtes de carotte les jambes, dire que t'es en direct de la péniche vu que tu l'enregistres en différé, enfin tu vois, c'est bizarre. Ça n'a aucun sens. On l'enregistre, je suis un peu en direct. Ok, autant pour moi. Donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est que l'armée du Love c'est tout simplement le groupe du futur, le groupe qui mélange amour et violence dans une juste mixitude, une parité presque égale. Et voilà, donc si tu connais pas, ben, il est temps de connaître parce. Alors que... pour vous faire découvrir le Commando Love en musique, tu m'as fait parvenir un des titres qui est justement une collaboration avec le Docteur El Ritmo à la production. Oui, c'est mon producteur de disque, c'est un peu mon Docteur Dre, je suis son Snoop Dogg. Donc j'ai cru comprendre que t'allais un peu à droite à gauche, tu faisais beaucoup de collaborations. On m'appelle la petite salope du business. Effectivement, je travaille avec Yves des Fatal Picard, avec Philippe Miro qui gagne à être connu si vous ne le connaissez pas, avec Choub, enfin Docteur El Ritmo, aka Docteur El Ritmo. Et effectivement, j'essaye de presser le meilleur jus de ces gens-là. Bien, je compte bientôt d'ailleurs faire un duo avec Thomas de Miva Boyka, qui s'appelle La chanson française, c'est de la merde. Et vous allez voir, ça va pas piquer des canetons. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, parle-nous un peu de ce titre qu'on va passer, donc, qui s'appelle... La bosse du 13. Bah, c'est tout simplement que, comme 9-7, j'ai envie de dire, tu vois, t'écoutes le morceau, tu comprends de quoi qu'est-ce que je parle. Je peux pas trop t'expliquer, là, je suis de speed, en plus, tu vois. Là, ce que je voudrais que tu me payes pour ce que je t'ai donné et que tu traînes pas trop parce qu'il y a des flics dans le quartier, tu vois ce que je veux dire. Ok, bosse du 13. Allez, big up à tous, respect. Psh, armée du love en force. Je sors de chez moi, tranquille, je suis dans la rue. 13e arrondissement, c'est là que j'habite, tranquille. Je tourne à droite, tranquille, quand soudain un inconnu m'accoste. Il cherche soi-disant la rue Clisson. Attends, fils de pute, attends, tu sais qui je suis. Tu me demandes où c'est la rue Clisson, bien sûr que je sais. Mais tu m'as pas reconnu ou bien, mais tu sais pas qui je suis. C'est pas qui je suis. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes, limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes. J'suis boss du 13, bien sûr, mais pas seulement parce que j'suis aussi, comme je l'ai dit, boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis connu dans le 5ème, dans le 12ème, boulevard Vincent Auriol, je suis chaud, et surtout dans le 14ème. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes, limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes. Comme je le disais précédemment, je suis le boss du 13. Et si un jour quelqu'un essaye de me faire partir de mes terres, de là d'où vient mon sang, qu'on m'emmène par exemple dans le 11ème ou dans le 8ème chez ces bâtards, c'est ce que je lui dirais, je lui dirais no way. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes, limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Boss du 13 et des arrondissements limitrophes. Limitrophes, limitrophes, limitrophes. Ok, toujours dans la grosse patate, donc c'était le boss du 13, production Dr. El Ritmo, interprétation Commandant Love. C'est moi qui ai choisi le son quand même du café. Donc là, nous voilà nous maintenant avec Thomas, chanteur du groupe Miva Boyka. Oui. Donc on vient d'apprendre qu'il y avait un duo futur en préparation avec le Commandant Love. Ouais, ouais, je viens de l'apprendre aussi, oui. Voilà. Ça te fait plaisir? Non. Tu me traites de mytho. D'accord. Alors pour continuer dans cette rubrique des copains d'abord, qu'on consacre à monsieur Alexis Campé. Donc réalisateur et à la fois musicien, batteur du groupe PPFC. Oui. Là, il y a un autre morceau qu'on va passer. C'est toi qui le chante avec un certain Stéban, qui est également membre des Petites Borettes, dans le projet qui s'appelle Je vous déteste. Absolument. Et donc c'est un morceau qui s'intitule Dalai Lama. Alors peut-être que tu peux m'en parler. Comment ça s'est passé cette collaboration? Dalai Lama, pourquoi? Alors en fait j'avais écrit cette chanson et elle n'était pas exactement en l'état. J'avais écrit ça et je me suis dit non, ça collerait pas, ça collerait pas pour Miva Boyka. J'ai essayé de le revendre à d'autres chanteurs un peu plus connus qui en ont pas voulu. Je me suis dit bon bah tant pis, je la refile à Stéban. Stéban il l'a dit ouais, ok j'adore. Ouais, il a dit j'aime bien. Et il a dit par contre j'ai rayé des phrases et j'ai en faire d'autres. Et du coup on se retrouve à faire enfin voilà donc il a un peu réécrit ma chanson, c'était un chef d'œuvre et maintenant c'est juste une œuvre. Et moi j'ai arrêté de dire des conneries. Non en fait j'ai écrit cette chanson pour Stéban parce que ça collait bien avec le projet Je vous déteste. Après il en a réécrit des bouts et ça a donné ce duo. Enfin au début je savais pas que ça allait être un duo et finalement il m'a rajouté, il m'a dit viens chanter avec moi. Et moi comme je vous déteste. Ouais c'est bizarre de dire j'aime je vous déteste mais c'est mieux de dire j'aime je vous déteste plutôt que je déteste je vous aime. C'est toi qui est bizarre. Alors c'est un album, c'est le morceau d'Dalai Lama, il se trouve sur l'album de Je vous déteste, le second, qui s'appelle Fais comme tu veux. Qui s'appelle Fais comme tu veux. Vas-y, bah, on va le passer tout de suite ce morceau. Eh ben allons-y, alors, voilà. Passe-le là, tout de suite, dis un truc pour la grosse patate. Tout de suite, c'est Je vous déteste de Dalai Lama pour la grosse patate, ouais. Stéban, Thomas. Déjà être né au Tibet, c'est pas vraiment le nirvana. À la base, quand on connaît les droits de l'homme selon les Chinois. Mais v'là qu'au lieu de jouer à la poupée ou au Big Jim ou à la guerre, des mecs en robe et rasés te privent d'une enfance ordinaire. Ils te font réincarnation d'un gars qui est même pas ton papa. Croisement du cheval et du mouton, te voilà changé en lama. Les filles, ça sera pas pour toi. Les cutes non plus. Mais faut pas que tu bouges, ah, quand on est Dalai Lama, on fréquente tout Hollywood. T'es obligé de brûler de l'encens, de dessiner des mandalas qui s'envolent au premier coup de vent. Surtout faut que tu t'énerves pas, faut que tu restes assis en lotus pour te libérer du samsara, perdre le désir et l'envie en plus pour réincarner le Bouddha. Mais y'a aussi des bons côtés, un peu comme pour Che Guevara. Il y a ta tête sur des briquets, des t-shirts faits par des chinois. Les filles, ça sera pas pour toi, les cuites non plus. Mais faut pas que tu boudes, ah, quand on est Dalai Lama, on fréquente tout Hollywood. Tout le dharma a étudié sans penser au Kama Sutra. C'est vraiment à se demander si ça vaut le coup un bon karma. Tu dois purifier ta parole, ton corps, ton esprit et tout ça. Ça nous fait dire que c'est pas de bol d'avoir chopé le Siddhartha. Petit théocrate en exil, quand chez nous on parle de toi, c'est pour gratter une ou deux voix ou pour emmerder les chinois. Les filles, ça sera pas pour toi, les cuites non plus. Mais faut pas que tu boudes, ah, ah, quand on est Dalai Lama, on fréquente tout Bollywood. Donc on vient de passer Dalai Lama, un morceau de ton dernier album de Je vous déteste, ouais. Fais comme tu veux. C'est un morceau qu'on a écrit avec Thomas. Voilà, c'est ce qu'il vient de nous expliquer. Alors je voudrais plutôt que tu nous parles de la manière dont tu as travaillé pour faire cet album. Alors l'album c'était très simple en fait. Ce qui se passe c'est que j'ai écrit les chansons avec une grille d'accords. Et puis qu'il y a plein de gens qui sont venus jouer. Donc, on a commencé par les guitares et puis chacun a un petit peu fait comme il voulait sur les titres. Donc toi-même tu le sais puisque tu as fait les basses. C'est vrai, c'est moi. Et que voilà, tu n'as pas eu trop de directives vu que tu joues très très bien. Et voilà, il y a Nico Desbourrette qui est venu faire les batteries, Alexis aussi pour les batteries. Il y a plein de cordes, donc Viviane de Face à la Mer, Léo et de Miva Boyka, Claire et Damien de PPFC, Tecle qui vient de chez Jojo Benisti, donc voilà, et puis à la guitare, donc Nico, Malek toujours. Et... Le fameux Docteur Malek hein, qu'on retrouve en intervenant de la grosse patate maintenant. Voilà, Docteur Malek. Et donc une méthode un peu atypique quoi, pour faire cette. Voilà, méthode, on pose les guitares et après tout le monde se débrouille et à la fin ça fait un truc plutôt joli, donc on est contents de ce qu'on a fait. Voilà, alors comme je te l'ai peut-être pas encore dit, en fait là c'est la rubrique des copains d'abord et qu'on fait un peu une spéciale sur Alexis Campet, il travaille beaucoup et bien en ce moment, ce garçon. Et donc, au niveau de Je vous déteste, il a fait quoi, Alexis ? Alors, Alexis, il a fait des pianos, il a fait des batteries, il a écrit des arrangements cordes, et puis surtout, il a mixé l'album à la fin. Donc, voilà, on a fait toutes les prises chez moi, et après, il a mixé tout ça dans son coin. Et ce gars-là a beaucoup de talent et ça va finir par se savoir, donc on en profite avant que ça se sache. Mais on aimerait bien faire courir le bruit qu'Alexis Campet a beaucoup de talent. Voilà. Et on profite de l'émission pour lui faire un bisou parce qu'il vient d'être papa et puis ouais. Ça coûte rien de lui faire un bisou. Un bisou à lui, à Simon, à Marie. Voilà. Un bisou. Tes copains d'abord, les copains d'abord. Pour finir cette rubrique des copains d'abord spécial Alexis Campet, me revoilà à nouveau avec Thomas de Miva Boyka. Bonjour. Et donc comme la grosse patate, on bat le fer tant qu'il est chaud et qu'on est sur les fraîcheurs, les exclusivités, les inédits. Là on va quand même écouter un truc qui est en cours de réalisation, qui n'est pas fini, qui n'est pas mixé, c'est même pas la voix définitive. C'est un brouillon, absolument. Alors on finit Miva Boyka, tu veux présenter peut-être un peu. Attends, je vais écouter la grosse patate, juste que les choses soient claires, si j'entends ça à l'antenne, t'es mort. D'accord. Tu me menaces physiquement, quoi. Je te menace physiquement, absolument. D'accord. Enfin, quand tu parles de ma mère, ouais. Sinon, tu peux y aller. Donc, mais... je finis cette interview avec un flingue sur la tempe. Alors, Thomas, je t'adore, tu le sais. Moi aussi. Donc, on va écouter Mon Ombre. Ouais. Donc, tiré du futur album... de Miva Baika... qui s'appellera... Barricades Utopiques. Qui sortira... au printemps. Et donc, on le répète, hein, c'est pas la version définitive, c'est pas mixé, rien du tout. Non, rien du tout. Et c'est déjà. Moi, je l'entends, c'est pas mixé, c'est juste une mise à plat. Déjà, j'ai des frissons. Donc, quand ça sera mixé, je pense que j'aurai un orgasme. Qui m'a volé mon ombre. Quand je tournais le dos, c'est pas que j'y tenais. Il y en a des pareils, mais le fait d'avoir une ombre me fait croire au soleil. Si je tenais l'enfant de putain qui m'a volé mon ombre. Quand je ne voyais rien, c'est pas que j'éprouvais pour elle beaucoup d'amour, mais le fait d'avoir une ombre signifie qu'il fait jour. Mais les ombres, c'est toutes des salopes. Elles profitent de la nuit pour frapper à nos portes. Ouais, les ombres, elles sont comme ta femme. Pour qu'elles restent avec toi, faut leur montrer ta flamme. Si je tenais le vice de chienne qui a volé nos. C'était la mienne, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle était mon amie. Mais ça me fait chier de voir un peu de moi derrière lui, je l'imagine. Mon ombre assez basque, dites-moi s'il vous plaît. Je le vois, je le claque, on l'a vu l'autre jour qui marchait dans la rue. Dites-moi où, s'il vous plaît. Je le vois, je le touche, je le sais quelque part. Qui marche avec mon ombre, c'est la mienne, pas la sienne. Il faudrait pas confondre, elle me va mieux qu'à lui. Elle est faite à ma taille, elle est semblable à moi dans les moindres détails. Oui, mais les ombres, c'est toutes des salopes. Elles profitent de la nuit pour frapper à notre porte. Oui, mais les ombres, elles sont comme ta femme. Pour qu'elles restent avec toi, faut leur montrer ta flamme. Et si je croisais ce fils de catin à qui j'ai donné mon ombre, si je me souviens bien, elle ne m'amusait plus, je m'étais lassé d'elle. Je pensais que sans ombre, on devenait soleil. Mon ombre de Miva Boyka dans la grosse patate. Miva Boyka qui a été sélectionnée par une boîte de production qui s'appelle Enfin Bref, qui bosse avec la RATP et donc qui sort une compile d'ici février-mars qui s'appelle Leçon du métro. Dans les pays industrialisés, chaque personne rejette en moyenne 1,5 kg de déchets tous les jours. Une grande partie de ces déchets n'est pas biodégradable, mais peut être recyclée à condition d'être soigneusement trié. Alors pour le tri sélectif aujourd'hui dans la grosse patate, on a choisi de parler d'un artiste dont on entend déjà beaucoup parler en ce moment, qui s'appelle Allo Black, donc un chanteur de soul américaine. Enfin, recyclé justement, parce que lui c'était un ancien rappeur d'un groupe des années 90. J'y sais, toi, c'était un peu ta partie, ça, le rap des années 90. Ouais, il a lâché l'affaire parce qu'en fait c'était pas. Il a mûri. Donc c'est pas le premier à nous faire le coup, parce que l'année dernière il y avait Raphaël Sadik qui était aussi un ancien de. Tony. Voilà. donc c'était un peu la même scène, quoi. Et donc ils se reconvertissent à faire un peu du son façon Motown, on pourrait dire. Et là, en plus, pour le coup, donc vu qu'on est dans le tri sélectif, hein, ce qui aborde les reprises, les samples, enfin comment la musique arrive à traverser les âges, Allo Black, il fait une reprise du titre Femme Fatale qu'on trouve à l'origine sur l'album culte du Velvet Underground and Nico, donc le, celui avec la fameuse banane d'Andy Warhol, donc une reprise du titre Femme Fatale, et à l'époque c'était sorti en 1967, et donc là 2010, Allo Black, Femme Fatale. Better watch your step. She's gonna break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up just to put you down. What a man. 'Cause everybody knows. Think she does to me. She's a perfect girl. Just a little tease. She's a perfect girl. See the way she walks. See the way she number 37, have a look. She's gonna smile to make you frown. What a clown. Little more, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gonna play you for a fool. It's true, 'cause everybody knows. Perfect girl. Think she does to me. She's a perfect girl. She's just a little tease. She's a perfect girl. See the way she walks. See the way she talks. Everybody knows she's a perfect girl. Think she does to me. She's a perfect girl. La grosse patate. Bonsoir, c'est Docteur Malek pour la grosse patate. Alors je pense qu'on peut tout à fait faire fusionner le système D avec la rétention fécale. Voilà, qu'est-ce que la rétention fécale? Au sens figuré dans la vie de tous les jours, c'est récupérer, garder de côté les choses qu'on voudrait jeter, mais qui peuvent servir. Alors on met de côté les choses qui peuvent servir, on se dit tiens, je sais pas à quoi ça sert, ça devrait aller à la poubelle, mais je le garde quand même. C'est ça la rétention fécale. Alors moi je le garde, je le dis, mais peut-être que ça pourra servir pour le système D. Système D, débrouillardise. J'ai besoin de réparer un truc et je me dis merde, j'ai pensé, j'ai mis de côté un truc lors de ma rétention fécale et ça a fonctionné. C'est resté dans ma tête et je m'en suis servi et ça a marché. Voilà, c'est ça. Débrouillardise et rétention fécale ne font qu'un. Bonsoir la grosse patate. The Robot 1978 de Kraberk, Rémi, un album que t'as chopé pas cher apparemment. Bah, on arrive à trouver ça d'occasion à 2€, alors on est content. Voilà, bah, tout ça pour dire que quand on écoute ça, on dit qu'il y en a certains Daft Punk qui l'auraient un peu piqué le concept 20 ans plus tard. Hein. Effectivement. Et bah, Daft Punk dont on entend parler en ce moment parce qu'ils font la BO d'une production Walt Disney. C'est le deuxième volet du film Tron, ça s'appelle Tron Legacy. Et donc voilà comment lier l'électro à au cinéma. Et donc on reste dans l'électro. Et dans le cinéma en même temps. Parce que récemment est sorti le deuxième film de Quentin Dupieux, aka Monsieur Oiseau, en tant que DJ électro. Donc il nous avait fait steak il y a quelques années. Nous on était assez fans. avec Eric Aramzi. Enfin, c'était assez perturbant ce film. Hein. Un film culte. Voilà, donc il avait déjà signé la BO à l'époque en collaboration avec Sébastien Tellier et Sébastien. Et pour donc son nouveau film qui s'appelle Rubber, que malheureusement on n'a pas vu, mais apparemment c'est l'histoire d'un pneu tueur, hein, le pneu d'une voiture. Un concept alléchant. Et donc là, la BO, il a encore signé lui-même Monsieur Oiseau, mais il s'est coquiné avec Gaspard Roger, donc l'un des deux, Justice. Jeune dans la grosse patate avec ses petits morceaux bien dynamiques. Ça nous change un peu de la péniche. Voilà, du coup, pour calmer un peu le jeu, puisqu'on a passé un peu d'électro, on va retrouver un mec qui a fait pas mal parler de lui cette année, Philippe Catherine. Une belle pochette, une photo de famille avec son papa, sa maman. Qui chante d'ailleurs sur un des morceaux. Voilà. Et donc, il a fait un tube avec le morceau La Banane. Non, mais laissez-moi. C'est ça le single en radio. C'est le single. Et bah nous on a eu du mal à choisir un morceau parce qu'il y en a plein qui nous plaisent. Non. Alors faut dire quand même que c'est un album qui divise, hein. C'est un peu soit on adore, soit on déteste, ou enfin soit... Voilà, donc nous on a choisi, vu qu'on est à Paris, le titre Vélib. Si

Arcade Fire, mon sauf mai. Rémi, un vinyle que t'as chopé cette année encore? Bah écoute, c'est Thomas de Miva Boyka qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est le dernier album, le troisième d'Arcade Fire, The Suburbs, qui est sorti cet été. Et donc bah voilà, on vient de passer une heure ensemble dans la grosse patate. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est l'année prochaine, en 2011. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on veut? Moi j'en veux du Hulk. On a demandé à Fatal Bazooka. À l'année prochaine. Moi j'en veux du Hulk. À mon péter la nuque. Encore du Hulk. Donnez-moi du Hulk. Toujours du Hulk. Avec ou sans sucre. C'est ça mon truc. Moi vouloir du Hulk. La grosse patate. C'était bien. Non.